Puisque le renseignement aérien va donc clairement être terminé pour la France, est-ce qu'on peut voir cette recrudescence des actes terroristes qui avaient floraison depuis un mois revenir à une dimension la plus simple possible? Non, il ne reste qu'à la France qu'à activer ces terroristes. C'est ce qu'elle va faire. Parce que vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle va faire ça. Mais puisqu'elle avait, elle le faisait, si on s'en tient au communiqué du ministre Abdoulaye Diop, de ses positions aériennes pour mieux orienter ces terroristes. Est-ce que maintenant qu'ils n'ont plus ces informations-là, est-ce qu'ils seront plus, tu vois, ils seront plus assez vulnérables? Oui, ça va avoir un impact. Évidemment, ça va avoir un impact. Moi, j'appelle ça l'articulation au niveau de leur stratégie militaro-terroriste. C'est-à-dire qu'articuler les attaques terroristes avec le mouvement des drones. Oui, vous dites renseignement militaire, moi j'appelle ça comme ça, mais on dit la même chose. Évidemment que ça va avoir un impact. Mais ils vont essayer de trouver d'autres astuces, par exemple dans la région des trois frontières, à partir du repli de Bakan au Niger, ils vont lâcher les terroristes pour agir en désespoir de cause. Je dis bien en désespoir de cause. On va aller s'asseoir et dire que c'est fini. Non. Les Français sont dans un état. Ils ont d'ailleurs annoncé l'escalade terroriste au Mali après le départ de Bakan. Mais tout à fait, c'est-à-dire, ils annoncent les plans qu'ils vont faire. Mais, comme je l'ai dit, le régime malien est solide. Ils l'ont démontré avec l'affaire de Kati, l'attaque de Kati. L'État a dit aux Maliens d'être tranquille. Ça fait un second. Et où les vérités sont. On les a pris, on a pris des terroristes, on a pris des forces spéciales, on a attrapé tous ces gens-là, on les a arrêtés. Ça a échoué. L'affaire des calendriers militaires, on les a accueillis comme comme des porcs. On les a accueillis comme des porcs. Et aujourd'hui, ils sont jugés. Et aujourd'hui, le Mali est en train d'apporter au Conseil de sécurité des Nations Unies la preuve que la France est derrière les terroristes. Alors, et ça, c'est la dimension tactique. Dans la démarche de le régime malien. C'est la guerre, hein? C'est la continuité de la guerre. L'affaire d'apporter les preuves au Conseil de sécurité, ce n'est pas seulement une affaire diplomatique, c'est la guerre. Parce que, à partir du moment où la France, dans le désespoir, va relâcher ses chiens terroristes pour justifier, pour démontrer à tout prix que Barkhane était nécessaire, mais le Mali a anticipé et a porté une action militaro-diplomatique, j'appelle ça comme ça, au niveau du Conseil de sécurité, pour dire que. Vous voyez, voici les terroristes, voici le vrai chef des terroristes, voici celui qui couvre les terroristes, voici celui qui est derrière les actions terroristes. Ça casse un peu la stratégie française. La France est à l'étroit. Voilà qu'en plus, en même temps, les populations sont dans la rue au Niger. Pour dire qu'on ne veut pas de Barkhane ici. Je vous ai dit qu'ils vont transporter leur ville militaire sur leur tête. Hein. Ils vont finir par s'écouler sur le poids de leur propre ville. C'est de cela qu'il s'agit. Vous l'avez dit. Parce que les populations au Niger sont en train de dire on ne veut pas de Barkhane ici. Ce n'est pas une personne, ce sont des milliers de gens dans la rue. Ce n'est pas un mouvement qui va s'épuiser, contrairement à ce que pense la France. Et là encore, ça met sur la table la nature de l'État nigérien et celui qui le dirige, M. Bazoum. Les ennemis de l'Afrique. Qui trahissent aussi, d'une manière aussi grossière, le continent. Ils nous hantent, M. Bazoum. Ça pose encore ce problème-là. Donc, la France est à l'étroit, vous comprenez. Et vous savez, moi je veux vous dire une chose. Ils n'ont pas le monopole de la gestion des drones, des renseignements militaires par drone. Ils n'ont plus le monopole. L'État malien s'est préparé. Au nom de l'Afrique et pour l'Afrique, l'État malien s'est préparé a des capacités militaires aujourd'hui qui lui permettent de surveiller son territoire, de surveiller son espace aérien. Alors maintenant, le Mali a dit, désormais nous allons défendre notre espace aérien, y compris en abattant ces drones-là. Justement. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez dans la boue des cristals. Parce que c'est pour ça qu'on va à l'ONU. C'est là le nœud gordien. Mais bien sûr. Si jamais les avions militaires français sont abattus au cœur du Sahel, sinon au Mali, est-ce que on ne va pas monter un cran dans ce conflit. Mais je l'avais dit depuis, vous vous souvenez ici, j'ai dit ici que l'État malien doit se préparer à la guerre. Je l'ai dit, à la guerre. Ça va être, la guerre est là, ce n'est même pas un débat. Mais quand on l'a dit, c'est pour que l'État malien se prépare. Mais la France sait très bien que si elle déclenche une guerre contre le Mali, elle ne s'en sortira pas. Elle s'en sortira pas. Même si, quand on dit la France contre le Mali, c'est quoi? C'est le Niger qui va appuyer, c'est la Côte d'Ivoire. Mais ce sera la fin de la France, c'est-à-dire d'une manière catastrophique. Les Français le savent. Hein? Ils le savent. Donc, Si le Mali abat un drone français sur son territoire, qui va venir reprocher au Mali d'exercer la souveraineté de son territoire? Qui? Et là encore, le caractère néocolonial, le caractère impérialiste, le caractère sauvage, le caractère bandit, c'est-à-dire c'est le banditisme international de la démarche française dans le Sahel, sera encore plus clair pour tous les États et plus de justice dans le monde entier. Ça va contribuer à isoler davantage la France. Isoler davantage. Ils n'ont pas honte, mais ça permet de consolider, n'est-ce pas, le camp des partenaires du Mali, le camp des amis, n'est-ce pas, du Mali dans le monde, qui verront que mais c'est inacceptable ce qui est en train de se passer. Le Mali s'est préparé. Vous croyez que la France, la France n'a pas la. C'est-à-dire que sur le plan militaire, on parle, la puissance, ils ont dit, ils gueulent là, que oui, nous avons achevé notre opération de déménagement dans les règles de l'art, de l'honneur, parce que Macron s'agitait, il dit que si on touche un soldat français, pendant ce déménagement, mais le Mali avait quel intérêt à toucher un soldat français? On vous a dit, partez, vous partez. Vous partez, il ne s'agit pas de partir dans l'honneur, non, on vous a dit, partez. Partez. Est-ce qu'avant, c'est quel honneur? Il n'y a pas d'honneur. On vous a chassé, on vous a dit de part, partir, on vous a donné 6 mois. Et vous avez respecté les 6 mois qu'on vous a donné. Maintenant, le Mali n'est pas un État sauvage. Pour dire que, bon, ok, pour vouloir. La démarche du Mali n'a jamais été d'humilier la France. C'est la France qui s'humilie elle-même par sa politique de criminelle à l'égard du Mali. Est-ce que le Mali a pour programme politique d'humilier la France? C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez comment les gens masquent leurs échecs en inventant, en créant en faisant de la diversion. La diversion, la diversion stratégique. On déplace des problèmes. Le Mali n'a jamais eu pour démarche politique d'humilier la France. C'est la France qui a été la première à dire que je pars, j'arrête. Mais la coopération avec le Mali, de manière unilatérale. C'est-à-dire l'embrouillé qui est à l'Elysée, quand il a ses crises de folie, il raconte tout n'importe quoi. Il a été le premier à dire ça. Le Mali a seulement pris acte. Et Choguel Maga est allé dire à l'ONU qu'on nous a lâchés en plein. Jusqu'à là, observer la graduation du discours à demande de l'État malien. Quand un premier ministre dit à l'ONU que bon, on m'a lâché en plein vol, il y a quoi de mauvais dedans? Bon, pourquoi ça rend la France folle? Pourquoi l'État français va devenir fou? Parce qu'un premier ministre a dit qu'on a lâché en plein vol. Il y a quoi dans ce groupe de mots d'humiliant, de si anxiogène pour rendre l'État français fou? Mais la France est devenue fou. Elle est devenue folle. Parce que Choguel Maga l'a dit, le premier ministre malien l'a dit à l'ONU. On a lâché en plein vol. Regardez la graduation. Bon, maintenant, à l'issue de ça, M. Macron est devenu fou. Fou! Comme son ami Zelensky, on ne sait pas ce qu'il les rend fou. Hein? Ou bien ce sont des prises. Bon. Hein? Certaines prises que les gens s'adonnent. Il est devenu fou, n'est-ce pas? Il dit un matin, ça va. Bakan, c'est terminé. 2 jours après, il vient dire que non. Après, non, c'est terminé. Le Mali a seulement pris acte. Ok. Comme tu as rompu de manière unilatérale nos engagements, ce que nous n'avons jamais fait. Par respect pour la parole de l'État malien et par respect pour la puissance moyenne que tu es. Nous on n'a pas. Maintenant, comme tu as dit que tu pars, nous on n'est pas le genre de filles qui supplient les chauds, comme on dit au quartier. C'est que dans le quartier, il y a certains amants de femmes là. Vous voyez souvent là, ils font le chantage, ils disent bon, je mets fin à la relation pour que la femme vienne supplier. C'est vrai pour la femme, c'est vrai pour l'homme. Pour que tu viennes supplier. Quand elle joue son cinéma, là, elle voit que tu ne bouges pas. Elle revient après, elle dit que je n'ai pas dit ça, j'ai pas le temps. Tu dis que mais tu as dit, non, j'ai dit ça, mais je ne voulais pas dire ça. Hein? Oui, je ne voulais pas dire ça. Non, le Mali a dit que ça va. Comme tu as rompu le mariage, ça va, tu ne reviens plus. Vous voyez, c'est dans ça que la France s'est retrouvée. Le Mali est allé pas à pas. Après, il a expulsé l'ambassadeur. Vous comprenez? On sait pourquoi. Ce n'était pas l'ambassadeur, c'était un voyou. Après, on a fermé RFI et France 20. Mais quand c'est rendu de l'activité. Aujourd'hui, ils sont en train de supplier, ils sont derrière tout le jour, l'État malien, pour dire que oui, on a compris, on va voir ce que oui, on va changer, machin. L'État malien les regarde. Regardez la graduation. La démarche malienne n'a jamais été d'humilier la France. Vous savez, c'est à la faveur de l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali que les Africains ont su qu'on avait chassé l'ambassadeur du Mali en France depuis très longtemps, depuis au moins 2 ans. Vous voyez, oh, l'État malien est resté tranquille pour ne pas humilier une puissance moyenne. Puisqu'on dit qu'il faut respecter un peu. Entre guillemets, un grand. L'État malien est resté cool. Mais non, la France s'est humiliée elle-même parce qu'elle est dirigée par des incompétents, mon cher Ndoum. Des gens qui ne sont pas à la hauteur de la fonction. des gens qui ne sont même pas en mesure d'analyser la dynamique de l'évolution de la vocation de leur pays dans un champ international en mouvement, donc incompétent, feignant. Voilà le malheur de ce pays-là. Comment vous prenez, regardez, depuis Mitterrand, criminel, mais et une certaine élégance dans le crime, et une certaine odeur dans l'auteur et l'envergure dans le crime. Criminel, Mitterrand. Chirac, criminel, mais ayant quand même une certaine mesure, parce que connaissant le niveau d'interaction nécessaire pour maintenir le rang de la France, il savait quelle ligne n'est pas franchie. Mais depuis alors, commencez par Sarkozy, un gangster de rue. Sarkozy, après Sarkozy qui, Monsieur Hollande, il suivait les petites à moto. C'est-à-dire, il porte la culotte, il prend la moto, il va courir derrière Gaillet. C'est-à-dire, du voyotisme. Regardez très bien le rabaissement continu de la fonction présidentielle en France. Vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Le rabaissement à travers l'accession à la fonction présidentielle en France de n'importe qui. Des gens sans envergure, qui ne connaissent pas l'importance de l'interdépendance, des interrelations qui permettent à ce qu'un pays comme la France parle fort dans le monde. C'est-à-dire que même si les Africains se sont tués, les Africains vous laissent faire, mais il faut franchir certains lits rouges. Les dirigeants africains acceptent de jouer le jeu, mais il revient à vos dirigeants de savoir que, attention, les lits rouges non écrits, il ne faut pas les franchir. Il ne faut pas passer à un niveau d'humiliation inacceptable. Okay. Mais alors vous avez vu, n'est-ce pas, comment Sarkozy, Hollande, Monsieur Macron, le niveau d'abaissement de la fonction présidentielle. La France, les pays occidentaux sont désormais dirigés par des voyous, des incompétents. C'est clair. Et ça ressort dans la gestion du dossier malien. Mais est-ce que la France est obligée de gérer ce dossier comme ça? Il aurait suffi d'un peu de hauteur en termes de diplomatie, d'un peu de hauteur en termes de pédagogie des relations entre bilatérales, entre les États. Pourquoi on évite ce qu'on voit là? Mais ils ne peuvent pas. Donc, ce n'est pas leur niveau. Ce n'est pas leur niveau. Quand des financiers remplacent les politiciens, quand des traders deviennent chefs d'État, quand quelqu'un qui est spécialisé en fusion des entreprises, en fusion achat, devient président, il comprend quoi aux subtilités de la politique? Il comprend quoi aux enjeux de la politique? Qu'est-ce que Macron peut comprendre de la politique? Il comprend quoi? Il pense que la politique, un État, c'est une entreprise qu'on dissout dans les algorithmes en termes de calcul de cotation. C'est ce qu'il croit. Mais il s'agit des nations, monsieur, où des milliards de personnes sont en jeu, avec leur dignité, avec leur histoire, avec leurs aspirations pour l'avenir. Un monsieur qui est habitué à faire les fusions-achats, dans le cadre des cabinets de Rothschild, il comprend quoi pour être président d'un pays comme la France? Ça part de là. Hein? Vous avez Von Leyen, l'Union Européenne, une déréglée mentale. C'est pas une injuste affaire. Elle a faussé ses diplômes, toute sa vie sur le fond. Il corrompu de haut niveau en Allemagne. Elle est sous le coup de poursuites judiciaires. Elle et son mari ont des intérêts, ont des croisements, des délits, des intérêts extraordinaires dans des dossiers liés au vaccin qu'il gère. Elle fait signer des contrats jamais vus à l'Union Européenne dans le cadre de l'attribution des marchés de vaccins. Mais c'est qui est présent à l'Union Européenne. C'est-à-dire que la racaille est chassée en Allemagne, mais elle trouve comme point de chute l'Union Européenne, qui se présente comme étant le centre de civilisation en termes de valeurs le plus avancé du monde. Mais qui a pour président de commission Ursula von Leyen? Comment est-ce que vous expliquez le décalage qu'il y a entre les ambitions affichées d'une institution comme l'Union Européenne et la personne qui assure la présidence de l'Union Européenne? Vous voulez comprendre pourquoi vous avez cette catastrophe-là? Vous voulez comprendre pourquoi? Pourquoi on ne peut pas discuter avec le Mali? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir, dialoguer avec un État, mettre les problèmes sur la table, laisser de côté les fanfaronnades racistes, l'arrogance et tout, et s'asseoir, et garder les problèmes en face? C'est de cela qu'il s'agit. Et à ce niveau-là, n'est-ce pas, vous avez en face des dirigeants maliens très dignes, qui savent où ils vont, qui respectent les engagements internationaux. La preuve, le communiqué public, où le Mali dit à ses partenaires que je paye mes dettes. Tout à fait. Si je n'ai pas payé, c'est parce que M. Macron et l'Union européenne ont donné l'ordre à leur valet de la CEDEAO de me mettre sur en bas. Maintenant que c'est levé, je paye vos dettes. Tout à fait. Vous voyez comment les militaires gèrent bien? Tout à fait. Comment ils sont sérieux en face? Ils ont des gens qui connaissent même pas ce qu'on appelle un engagement bilatéral. Au point où un petit garçon vient rompre une relation bilatérale, comme ça, hein, sur la base de ses crises de nerfs, comme ça, en plein jour. Et après, il est surpris. Après, il se plaint. Il pleure partout que le Mali, hein, c'est une jeune, n'importe quoi. C'est de là qu'il s'agit. Merci à vous, Président Mbadakhani. On n'aura pas vu le temps passer. Le temps, d'ailleurs, à nous imparti est presque arrivé dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent. On aura donc apprécié avec vous la teneur géopolitique de cette plainte des autorités de Bamako au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en attendant d'y voir un peu plus clair, mais surtout de la mise en place de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que toute la lumière soit faite sur ces violations répété, mais surtout délibéré de l'État de la France sur son territoire, sur le territoire malien. Toujours est-il que du côté de Bamako, on est désormais prêt à abattre tout avion qui survolerait à partir des jours qui arrivent, donc le sol malien. Merci, Président, de nous avoir accompagnés. Nous sommes au service de l'Afrique. Et pour accompagner un processus aussi important comme le processus qui a cours au Mali, qui concerne tous les Africains. Le Mali est devant, mais c'est l'Afrique qui est dans la bataille. Donc tous les Africains sont maliens. Tous les États du monde, les peuples du monde qui sont épris de véritables libertés sont maliens. Mmh. Et la frontière qui sépare désormais la géopolitique mondiale, c'est d'un côté tous les peuples de la terre épris de liberté, de justice, et d'un côté les ennemis de l'humanité, l'Occident, dirigé par l'OTAN et les USA et l'État américain actuel, n'est-ce pas, porté par les démocrates, qui sont les ennemis de fait de l'humanité en général, mais surtout les ennemis du continent africain. Donc cette frontière-là est désormais la frontière qui sépare, n'est-ce pas, les camps géopolitiques à l'œuvre dans le continent et dans le monde. Donc les camps, les choix d'appartenance sont clairs. Au moment de dire, il y a des gens qui disent que bon, ni pour, ni contre, machin, comme ça. Ça va appartenir parce que pour les Occidentaux, quand vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Afrique Média. Le monde, c'est nous.